The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Everybody. Tout le monde. You. Vous. To be. Être. Ready. Prêt. Then. Alors. Now, a bit faster. To be. Être. Ready. Prêt. Everybody. Tout le monde. You. Vous. Ready. Prêt. To be. Être. Then. Alors. To be. Être. Everybody. Tout le monde. Then. Alors. Now, use the words in context. Tout le monde. Everybody is going to the concert. Tout le monde va au concert. Vous. You guys like the same artist. Vous aimez le même artiste. Être. He is intelligent. Il est intelligent. Prêt. Dinner is ready. Le dîner est prêt. Alors. So he can leave. Alors, il peut partir. Tout le monde. Everybody is going to the concert. Tout le monde va au concert. Être. He is intelligent. Il est intelligent.